Comme on a entendu nos cinq nouvelles entrées, ça veut dire qu'on doit dire au revoir à cinq autres pièces. Ah, tristesse! Écoutons-en des extraits dans Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui ont quitté les palmarès depuis les dernières semaines. La leur. Les bons là s'en viennent pour toi! Oh, les bons là! Oh, les bons là! Jackson! Le drummer, oh, les bons là! Le bassiste, oh, les bons là! Le guitariste, oh, les bons là! Oui, mais on a de la misère tout court aujourd'hui, je pense. Je pense qu'on est très fatigués. Arrête donc, c'est impossible. Impossible. Donc, qu'est-ce qu'on a entendu pour commencer? On a entendu mon oncle Serge avec l'Ebola à Saguenay qui est resté au palmarès pendant 7 semaines. Ingrid Saint-Pierre s'est ramassée avec un petit jujube en dessous du soulier avec Tokyo Jelly Bean qui a duré 5 semaines. On va s'ennuyer de cette chanson-là. Tellement. Oh. Or, je l'aimais donc. Philippe Braque, qui prend un petit peu d'héroïne et resté là pendant 7 semaines. Dans le bras. The Sheepdogs s'est fait ramener de l'autre bord de la clôture avec Bad Lieutenant qui a duré 7 semaines. Et Deer Hunter avec Snake Skin qui est resté là pendant 7 semaines. Voilà, pour Palmer Rest in Peace, 5 entrées, 5 sorties. C'est comme ça que ça fonctionne ici, hein? Pas le choix, si quelqu'un rentre, l'autre doit sortir. Comme les petits moutons avec le petit chien berger. Hein? Mm-hmm. L'analogie continue.